Livre cinquième, chapitre premier. Abbas Beati Martini. La renommée de Don Claude s'était étendue au loin. Elle lui valut, à peu près vers l'époque où il refusa de voir Madame de Beaujeu, une visite dont il garda longtemps en souvenir. C'était un soir. Il venait de se retirer après l'office dans sa cellule canonicale du cloître Notre-Dame. Celle-ci, hormis peut-être quelques fioles de verre reléguées dans un coin, est pleine d'une poudre assez équivoque, qui ressemblait fort à de la poudre de projection, n'offrait rien d'étrange ni de mystérieux. Il y avait bien çà et là quelques inscriptions sur le mur, mais c'était de pures sentences de science, ou de piété extraites des bons auteurs. L'archidiacre venait de s'asseoir à la clarté d'un trois becs de cuivre, devant un vaste bahut, chargé de manuscrits. Il avait appuyé son coude sur le livre tout grand ouvert d'Honorius d'Autun, de Predestinatione et Libero Arbitrio, et il feuilletait avec une réflexion profonde un in-folio imprimé qu'il venait d'apporter, le seul produit de la presse que renferma sa cellule. Au milieu de sa rêverie, on frappa à sa porte. « Qui est là ?» cria le savant du ton gracieux d'un dogue affamé qu'on dérange de son os. Une voix répondit du dehors « Votre ami, Jacques Coictier !» Il alla ouvrir. C'était en effet le médecin du roi. Un personnage d'une cinquantaine d'années dont la physionomie dure n'était corrigée que par un regard rusé. Un autre homme l'accompagnait. Tous deux portaient une longue robe couleur ardoise fourrée de petits gris, ceinturonnée et fermée, avec le bonnet de même étoffe et de même couleur. Leurs mains disparaissaient sous leurs manches, leurs pieds sous leurs robes, leurs yeux sous leurs bonnets. « Dieu me soit en aide, messire, » dit l'archidiacre en les introduisant. « Je ne m'attendais pas à si honorable visite à pareille heure. » Et tout en parlant de cette façon courtoise, il promenait du médecin à son compagnon un regard inquiet et scrutateur. « Il n'est jamais trop tard pour venir visiter un savant aussi considérable que Don Claude Frollo de Tirechappe, » répondit le docteur Coictier, dont l'accent franc-comtois faisait traîner toutes ses phrases avec la majesté d'une robe à queue. Alors commença entre le médecin et l'archidiacre un de ces prologues congratulateurs qui précédaient à cette époque, selon l'usage, toute conversation entre savants, et qui ne les empêchait pas de se détester le plus cordialement du monde. Au reste, il en est encore de même aujourd'hui. Toute bouche de savant qui complimente un autre savant est un vase de fiel emmiellé. Les félicitations de Claude Frollo à Jacques Coictier avaient trait surtout aux nombreux avantages temporels que le digne médecin avait su extraire dans le cours de sa carrière si enviée de chaque maladie du roi. Opération d'une alchimie meilleure et plus certaine que la poursuite de la pierre philosophale. En vérité, monsieur le docteur Coictier, j'ai eu grande joie d'apprendre l'évêché de votre neveu, mon révérend seigneur Pierre Versé. N'est-il pas évêque d'Amiens? Oui, monsieur l'archidiacre, c'est une grâce et miséricorde de Dieu. Savez-vous que vous aviez bien grande mine le jour de Noël à la tête de votre compagnie de la Chambre des Comptes, monsieur le président? Vice-président, Don Claude, hélas, rien de plus. Où en est votre superbe maison de la rue Saint-André-des-Arcs? C'est un Louvre. J'aime fort l'abricotier qui est sculpté sur la porte, avec ce jeu de mots qui est plaisant. Ah, l'abricotier! Hélas, maître Claude, toute cette maçonnerie me coûte gros. À mesure que la maison s'édifie, je me ruine. Oh, n'avez-vous pas vos revenus de la geôle et du bailliage du palais, et la rente de toutes les maisons, étaux, loges et chopes de la clôture? C'est traire une belle mamelle. Ma châtellenie de Poissy ne m'a rien rapporté cette année. Mais vos péages de Triel, de Saint-James, de Saint-Germain-en-Laye sont toujours bons. 6 vingt livres, pas même parisis. Vous avez votre office de conseiller du roi, c'est fixe cela. Oui, confrère Claude, mais cette maudite seigneurie de Poligny, dont on fait bruit, ne vaut pas 60 écus d'or bon an mal an. Il y avait dans les compliments que Don Claude adressait à Jacques Coictier cet accent sardonique, aigre et sourdement railleur, ce sourire triste et cruel d'un homme supérieur et malheureux qui joue un moment par distraction avec l'épaisse prospérité d'un homme vulgaire. L'autre ne s'en apercevait pas. « Sur mon âme, dit enfin Claude en lui serrant la main, je suis aise de vous voir en si grande santé. » « Merci, maître Claude. » « À propos, s'écria Don Claude, comment va votre royal malade ?»« Il ne paie pas assez son médecin, » répondit le docteur en jetant un regard de côté à son compagnon. « Vous trouvez, compère Coictier ?» dit le compagnon. Cette parole, prononcée du ton de la surprise et du reproche, ramena sur ce personnage inconnu l'attention de l'archidiacre qui, à vrai dire, ne s'en était pas complètement détourné un seul moment depuis que cet étranger avait franchi le seuil de la cellule. Il avait même fallu les 1000 raisons qu'il avait de ménager le docteur Jacques Coictier, le tout-puissant médecin du roi Louis XI, pour qu'il le reçût ainsi accompagné. Aussi sa mine n'eut-elle rien de bien cordial quand Jacques Coictier lui dit « À propos, Don Claude, je vous amène un confrère qui vous a voulu voir sur votre renommée. » « Monsieur est de la science ? » demanda l'archidiacre en fixant sur le compagnon de Coictier son œil pénétrant. Il ne trouva pas sous le sourcil de l'inconnu un regard moins perçant et moins défiant que le sien. C'était autant que la faible clarté de la lampe permettait d'en juger, un vieillard d'environ 60 ans et de moyenne taille, qui paraissait assez malade et cassé. Son profil, quoique d'une ligne très bourgeoise, avait quelque chose de puissant et de sévère. Sa prunelle étincelait sous une arcade sourcilière très profonde, comme une lumière au fond d'un antre. Et sous le bonnet rabattu qui lui tombait sur le nez, on sentait tourner les larges plans d'un front de génie. Il se chargea de répondre lui-même à la question de l'archidiacre. « Révérend maître, dit-il d'une voix grave, votre renom est venu jusqu'à moi, et j'ai voulu vous consulter. Je ne suis qu'un pauvre gentilhomme de province qui ôte ses souliers avant d'entrer chez les savants. Il faut que vous sachiez mon nom. Je m'appelle le compère Tourangeau. » « Singulier nom pour un gentilhomme, pensa l'archidiacre. Cependant, il se sentait devant quelque chose de fort et de sérieux. L'instinct de sa haute intelligence lui en faisait deviner une, non moins haute, sous le bonnet fourré du compère Tourangeau. Et en considérant cette grave figure, le rictus ironique que la pensée de Jacques Coictier avait fait éclore sur son visage morose s'évanouit peu à peu comme le crépuscule à l'horizon de nuit. Il s'était rassis, morne et silencieux, sur son grand fauteuil, son coude avait repris sa place accoutumée sur la table et son front sur sa main. Après quelques moments de méditation, il fit signe aux 2 visiteurs de s'asseoir et adressa la parole au compère Tourangeau. « Vous venez me consulter, maître, et sur quelle science ?»« Révérend, répondit le compère Tourangeau. Je suis malade, très malade, on vous dit grand esculape, et je suis venu vous demander un conseil de médecine. » Médecine, dit l'archidiacre en hochant la tête. Il sembla se recueillir un instant et reprit. Compère Tourangeau, puisque c'est votre nom, tournez la tête. Vous trouverez ma réponse toute écrite sur le mur. Le compère Tourangeau obéit et lut au-dessus de sa tête cette inscription, gravé sur la muraille, la médecine et fille des songes, Jean Blic. Cependant, le docteur Jacques Coictier avait entendu la question de son compagnon avec un dépit que la réponse de Don Claude avait redoublé. Il se pencha à l'oreille du compère Tourangeau et lui dit assez bas pour ne pas être entendu de l'archidiacre « Je vous avais prévenu que c'était un fou. Vous l'avez voulu voir. C'est qu'il se pourrait fort bien qu'il eût raison, ce fou, docteur Jacques, » répondit le compère du même ton et avec un sourire amer. « Comme il vous plaira, » répondit Coictier sèchement. Puis, s'adressant à l'archidiacre, « Vous êtes preste en besogne, don Claude, et vous n'êtes guère plus empêché d'Hippocratès qu'un singe d'une noisette. La médecine est un songe. Je doute que les pharmacopoles et les maîtres mires se tinssent de vous lapider s'ils étaient là. Donc vous niez l'influence des filtres sur le sang, des onguents sur la chair. Vous niez cette éternelle pharmacie de fleurs et de métaux qu'on appelle le monde, faite exprès pour cet éternel malade qu'on appelle l'homme. « Je ne nie, » dit froidement don Claude, « ni la pharmacie, ni le malade. Je nie le médecin. » « Donc il n'est pas vrai, » reprit Coictier avec chaleur, « que la goutte soit une dartre en dedans, qu'on guérisse d'une plaie d'artillerie par l'application d'une souris rôtie, qu'un jeune sang convenablement infusé rende la jeunesse à de vieilles veines. Il n'est pas vrai que deux et deux font quatre et que l'emprostotonos succède à l'épistotonos. » L'archidiacre reprit sans s'émouvoir. « Il y a certaines choses dont je pense d'une certaine façon. » Coictier devint rouge de colère. « Là, là, mon bon Coictier, ne nous fâchons pas, » dit le compère Tourangeau. « Monsieur l'archidiacre est notre ami. » Coictier se calma en grommelant à demi-voix. « Après tout, c'est un fou. » « Parce que Dieu, maître Claude, » reprit le compère Tourangeau après un silence, « vous me gênez fort. J'avais deux consultations à requérir de vous, l'une touchant ma santé, l'autre touchant mon étoile. « Monsieur, » repartit l'archidiacre, « si c'est là votre pensée, vous auriez bien fait de ne pas vous essouffler au degré de mon escalier. Je ne crois pas à la médecine, je ne crois pas à l'astrologie. « En vérité, » dit le compère avec surprise. Coictier riait d'un rire forcé. « Vous voyez bien qu'il est fou, » dit-il tout bas au compère Tourangeau. « Il ne croit pas à l'astrologie. » « Le moyen d'imaginer, » poursuivit don Claude, « que chaque rayon d'étoile est un fil qui tient à la tête d'un homme. »« Et à quoi croyez-vous donc ?» s'écria le compère Tourangeau. L'archidiacre resta un moment indécis. Puis il laissa échapper un sombre sourire qui semblait démentir sa réponse. « Credo in Deum, Dominum Nostrum, » ajouta le compère Tourangeau avec un signe de croix. « Amen, » dit Coictier. « Révérend maître, » reprit le compère, « je suis charmé dans l'âme de vous voir en si bonne religion. Mais grand savant que vous êtes, l'êtes-vous donc à ce point de ne plus croire à la science ?»« Non, » dit l'archidiacre en saisissant le bras du compère Tourangeau, et un éclair d'enthousiasme se ralluma dans sa terne prunelle. « Non, je ne nie pas la science. Je n'ai pas rampé si longtemps à plat ventre et les ongles dans la terre, à travers les innombrables embranchements de la caverne, sans apercevoir au loin devant moi un bout de l'obscure galerie, une lumière, une flamme, quelque chose, le reflet sans doute de l'éblouissant laboratoire central, où les patients et les sages ont surpris Dieu. Et enfin, interrompit le Tourangeau, quelle chose tenez-vous vraie et certaine ? L'alchimie. Coictier se récria. Pardieu, don Claude, l'alchimie a sa raison, sans doute. Mais pourquoi blasphémer la médecine et l'astrologie ? Néant votre science de l'homme, néant votre science du ciel, dit l'archidiacre avec empire. C'est mener grand train Épidaurus et la Chaldée, répliqua le médecin en ricanant. Écoutez, messire Jacques, ceci est dit de bonne foi. Je ne suis pas médecin du roi, et Sa Majesté ne m'a pas donné le jardin d'Édalus pour y observer les constellations. Ne vous fâchez pas et écoutez-moi. Quelle vérité avez-vous tirée, je ne dis pas de la médecine, qui est chose par trop folle, mais de l'astrologie? Citez-moi les vertus du boustrophédon vertical, les trouvailles du nombre Ziruf et du nombre Zéphirode. Nirez-vous, dit Coictier, la force sympathique de la clavicule et que la cabalistique en dérive? Erreur, messire Jacques. Aucune de vos formules n'aboutit à la réalité, tandis que l'alchimie a ses découvertes. Contesterez-vous des résultats comme ceci? La glace enfermée sous terre pendant 1000 ans se transforme en cristal de roche. Le plomb est l'aïeul de tous les métaux, car l'or n'est pas un métal, l'or est lumière. Il ne faut au plomb que 4 périodes de 200 ans chacune pour passer successivement de l'état de plomb à l'état d'arsenic rouge, de l'arsenic rouge à l'étain, de l'étain à l'argent. Sont-ce là des faits? Mais croire à la clavicule, à la ligne pleine et aux étoiles, c'est aussi ridicule que de croire avec les habitants du Grand Cathay que le loriot se change en taupe et les grains de blé en poissons du genre cyprin. J'ai étudié l'hermétique, s'écria Coictier, et j'affirme, le fougueux archidiacre ne le laissa pas achever. Et moi, j'ai étudié la médecine, l'astrologie et l'hermétique. Ici seulement est la vérité. En parlant ainsi, il avait pris sur le bahut une fiole pleine de cette poudre dont nous avons parlé plus haut. Ici seulement est la lumière. Hippocrates, c'est un rêve. Urania, c'est un rêve. Hermès, c'est une pensée. L'or, c'est le soleil. Faire de l'or, c'est être Dieu. Voilà l'unique science. J'ai sondé la médecine et l'astrologie, vous dis-je. Néant, néant. Le corps humain, ténèbres. Les astres, ténèbres. Et il retomba sur son fauteuil, dans une attitude puissante et inspirée. Le compère Tourangeau l'observait en silence. Coictier s'efforçait de ricaner, haussait imperceptiblement les épaules, et répétait à voix basse « Un fou !» Et dit tout à coup le Tourangeau, « Le but mirifique, l'avez-vous touché? Avez-vous fait de l'or ?»« Si j'en avais fait, » répondit l'archidiacre, en articulant lentement ses paroles, comme un homme qui réfléchit, « le roi de France s'appellerait Claude, et non Louis. » Le compère fronça le sourcil. « Qu'est-ce que je vous dis là ?» reprit donc Claude avec un sourire de dédain. « Que me ferait le trône de France quand je pourrais rebâtir l'Empire d'Orient ?» À la bonne heure, dit le compère. « Oh, le pauvre fou !» murmura Coictier. L'archidiacre poursuivit, paraissant ne plus répondre qu'à ses pensées. « Mais non, je rampe encore, je m'écorche la face et les genoux aux cailloux de la voie souterraine. J'entrevois, je ne contemple pas, je ne lis pas, j'épelle. « Et quand vous saurez lire, demanda le compère, ferez-vous de l'or ?»« Qui en doute ? » dit l'archidiacre. « En ce cas, Notre-Dame sait que j'ai grande nécessité d'argent, et je voudrais bien apprendre à lire dans vos livres. Dites-moi, révérend maître, votre science n'est-elle pas ennemie ou déplaisante à Notre-Dame ?» À cette question du compère, Don Claude se contenta de répondre avec une tranquille hauteur « De qui suis-je archidiacre ?»« Cela est vrai, mon maître. Eh bien, vous plairait-il de m'initier ? Faites-moi épeler avec vous. » Claude prit l'attitude majestueuse et pontificale d'un Samuel. « Vieillard, il faut de plus longues années qu'il ne vous en reste pour entreprendre ce voyage à travers les choses mystérieuses. Votre tête est bien grise. On ne sort de la caverne qu'avec les cheveux blancs, mais on n'y entre qu'avec les cheveux noirs. La science sait bien toute seule creuser, flétrir et dessécher les faces humaines. Elle n'a pas besoin que la vieillesse lui apporte des visages tout ridés. Si cependant l'envie vous possède de vous mettre en discipline à votre âge et de déchiffrer l'alphabet redoutable des sages. Venez à moi, c'est bien, j'essaierai. Je ne vous dirai pas à vous, pauvres vieux, d'aller visiter les chambres sépulcrales des pyramides dont parle l'ancien Hérodotus, ni la tour de briques de Babylone, ni l'immense sanctuaire de marbre blanc du temple indien des Klingas. Je n'ai pas vu plus que vous les maçonneries chaldéennes construites suivant la forme sacrée du Sicra, ni le temple de Salomon qui est détruit, ni les portes de pierre du sépulcre des rois d'Israël qui sont brisées. Nous nous contenterons des fragments du livre d'Hermès que nous avons ici. Je vous expliquerai la statue de Saint Christophe, le symbole du semeur, et celui des deux anges qui sont au portail de la Sainte Chapelle, et dont l'un a sa main dans un vase et l'autre dans une nuée. Ici, Jacques Coictier, que les réponses fougueuses de l'archidiacre avaient désarçonnées, se remit en selle et l'interrompit du ton triomphant d'un savant qui en redresse un autre. « Héras, amice Claudi, le symbole n'est pas le nombre, vous prenez Orpheus pour Hermès. »« C'est vous qui errez, » répliqua gravement l'archidiacre. « Dédalus, c'est le soubassement, Orpheus, c'est la muraille, Hermès, c'est l'édifice, c'est le tout. Vous viendrez quand vous voudrez, » poursuivit-il en se tournant vers le Tourangeau. « Je vous montrerai les parcelles d'or restées au fond du creuset de Nicolas Flamel. » et vous les comparerez à l'or de Guillaume de Paris. Je vous apprendrai les vertus secrètes du mot grec « péristéra ». Mais avant tout, je vous ferai lire l'une après l'autre les lettres de marbre de l'alphabet, les pages de granit du livre. Nous irons du portail de l'évêque Guillaume et de Saint-Jean-le-Rond à la Sainte Chapelle, puis à la maison de Nicolas Flamel rue Marivaux, à son tombeau qui est aux Saints-Innocents, à ses deux hôpitaux rue de Montmorency. Je vous ferai lire les hiéroglyphes dont sont couverts les quatre gros chenets de fer du portail de l'hôpital Saint-Gervais et de la rue de la Ferronnerie. Nous épellerons encore ensemble les façades de Saint-Côme, de Sainte-Geneviève des Ardents, de Saint-Martin, de Saint-Jacques de la Boucherie. Il y avait déjà longtemps que le Tourangeau, si intelligent que fût son regard, paraissait ne plus comprendre Don Claude. Il l'interrompit. « Pasque Dieu, qu'est-ce que c'est donc que vos livres ?»« En voici un, » dit l'archidiacre. Et ouvrant la fenêtre de la cellule, il désigna du doigt l'immense église de Notre-Dame, qui, découpant sur un ciel étoilé la silhouette noire de ses deux tours, de ses côtes de pierre et de sa croupe monstrueuse, semblait un énorme sphinx à deux têtes, assis au milieu de la ville. L'archidiacre considéra quelque temps en silence le gigantesque édifice, puis étendant avec un soupir sa main droite vers le livre imprimé qui était ouvert sur la table, et sa main gauche vers Notre-Dame, et promenant un triste regard du livre à l'église. « Hélas, » dit-il. « Ceci tuera cela. » Coictier, qui s'était approché du livre avec empressement, ne put s'empêcher de s'écrier « Hé, mais qu'y a-t-il donc de si redoutable en ceci ?»« Glossa in epistolas de Paoli, Norimberge Antonius Coburger, 1474, ce n'est pas nouveau. C'est un livre de Pierre Lombard, le maître des sentences. Est-ce parce qu'il est imprimé ?»« Vous l'avez dit, » répondit Claude, qui semblait absorbé dans une profonde méditation, et se tenait debout, appuyant son index reployé sur l'infolio sorti des presses fameuses de Nuremberg. Puis il ajouta ces paroles mystérieuses. « Hélas, les petites choses viennent à bout des grandes. Une dent triomphe d'une masse. Le rat du Nil tue le crocodile. L'espadon tue la baleine. Le livre tuera l'édifice. » Thank you. le couvre-feu du cloître sonna au moment où le docteur Jacques répétait tout bas à son compagnon son éternel refrain « Il est fou !» À quoi le compagnon répondit cette fois « Je crois que oui !» C'était l'heure où aucun étranger ne pouvait rester dans le cloître. Les deux visiteurs se retirèrent. « Maître, dit le compère Tourangeau en prenant congé de l'archidiacre, j'aime les savants et les grands esprits, et je vous tiens en estime singulière. Venez demain au palais des Tournelles et demandez l'abbé de Saint-Martin de Tours. » L'archidiacre rentra chez lui stupéfait, comprenant enfin quel personnage c'était que le compère Tourangeau, et se rappelant ce passage du cartulaire de Saint-Martin de Tours, « Abbas Beati Martini, silicet rex franciae. » Est canonicus de consuetudine et abet parvam, prebentam, quan abet sanctus, venantius, et debet sedere, in sede tesorari. On affirmait que depuis cette époque, l'archidiacre avait de fréquentes conférences avec Louis XI, quand Sa Majesté venait à Paris, et que le crédit de Don Claude faisait ombre à Olivier Ledain et à Jacques Coictier. Lequel, selon sa manière, en rudoyait fort le roi.